Au sport, le 3 janvier. Au hockey mineur, dans la Ligue Simple Lettre Alfred-Saint-François, l'équipe novice C des Chocs du Haut-Saint-François reçoit Métro Plouf Sherbrooke 1 à 15h à Istingus. L'équipe Atom A est également à la maison pour rencontrer Métro Brunel Val-Saint-François à 16h15. L'équipe Pee-Wee A reçoit Magog à Istingus à 17h30. L'équipe Bantam A et l'autre des Jets Frontières à 18h45.